Tu as laissé une empreinte dans ma chair et la mémoire dans la peau des infinissables gifles qui ont fait la croisière de mon corps dans les cloîtres du rêve. Qui sait si mon destin va ressembler à celui d'un homme? Et qu'il va naître un jour un enfant pour l'imiter. Viens, frère, nous sommes tous les deux par terre, museau contre museau. Reniflant dans la poubelle dont la tiède haleine nourrit sans fin nos vies qui ne savent comment en finir. Ligotés toutes deux à cette condamnation qui au moment de naître, nous savons pire que l'oubli et la mort, et qui déchire la porte ultime fermée par un son qui va faire courir les enfants et crier dans la limite les crapauds.